elle est tellement innocente qu'elle ne comprend presque rien, sans distinguer le mal du bien. Elle parle comme elle chante. En République, l'ignorante croyait avoir la liberté de nous dire la vérité. Elle est tellement innocente. Elle est tellement innocente qu'elle s'attaquait au pouvoir sans le connaître et sans savoir combien elle était imprudente. Par une chanson médisante, en parlant même contre vous, elle nous scandalisait tous.